Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel 12 avril avez-vous choisi de nous rappeler? Un 12 avril tout à fait dramatique et qui devait marquer les mémoires, celui de l'an 1204, lorsque les croisés sont entrés dans Constantinople. J'ai eu l'occasion de raconter ça un certain nombre de fois au cœur de l'histoire. Alors que font les croisés, Franck, à Constantinople? Alors officiellement, ils sont en route pour la croisade, la quatrième croisade. Cette nouvelle épopée a été lancée à l'appel du pape Innocent III, le fameux persécuteur des Cathares, vous savez. Alors imaginez que les comtes de Blois, de Champagne, de Flandre, de Bourgogne, etc. ont répondu d'enthousiasme et pour aller s'emparer des ports égyptiens, qui est la monnaie d'échange en vue de récupérer Jérusalem, ils ont fait appel aux navigateurs de l'époque, les grands navigateurs, les Vénitiens. La République de Venise est représentée par le doge Dandolo. Je vous fais grâce de toutes les péripéties. Ce qui compte, c'est que vous sachiez que dans les premiers jours du printemps 1204, cette flotte croisée est en vue de la capitale de l'Empire byzantin, donc de Constantinople. Donc une capitale chrétienne. Et oui, c'est tout le paradoxe. À l'issue de tractations infructueuses, les Vénitiens et leurs passagers croisés, donc chrétiens, vont attaquer la Byzance chrétienne et la mettre à sac. Vous avouerez que comme croisade, ça se pose là. Ils vont mettre un des leurs, Baudouin de Flandre, sur le trône de Byzance, pour la plus grande joie des négociants vénitiens, qui au passage vont rafler toutes les possessions byzantines en Méditerranée. Alors, pour combien de temps? Alors, ça va durer quelques décennies jusqu'à ce que Michel Paléologue restaure l'Empire byzantin. Mais vous avouerez quand même que cet épisode n'est pas banal. Surtout que la quatrième croisade s'est arrêtée là. Hein. Les croisés ne sont pas allés plus loin que le Bosphore. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, pour une heure de promenade à Trianon, dans le hameau de la Reine.